Nyanga. Bienvenue à cette édition du 1er janvier 2025, dont voici d'abord le sommaire. Dans son discours à la nation à la veille du nouvel an, le chef de l'État a mis en garde les agents de l'OBR qui ne s'acquitteront pas convenablement à leurs tâches. Vous l'entendrez, la nuit du nouvel an 2025 a été caractérisée par des veillées de prières dans certaines églises de Guitéga. La pénurie des produits Braroudi et le manque de carburant ont été signalé, la population de Guitéga déplore en outre le fait que les prix des produits Braroudi ont été revus à la hausse dans quelques peu de bistrots qui en avaient. Et à Bobanza, les spéculations sur les prix des produits Braroudi ont fait qu'une trentaine de bistrots soient fermés. Nous en dira plus notre correspondant sur place. Et dans la chronique N, l'on entendra l'avis d'un expert en résolution pacifique des conflits qui indique que les vérités plurielles proviennent de différents groupes et de personnes ayant connu des situations fâcheuses dans le passé, mais qui malheureusement n'acceptaient pas que les autres ont connu de tels problèmes. Bienvenue à cette édition de ce 1er janvier 2025. Isanganiro, la radio de l'avenir. Anselme Irambona est de l'autre côté de la vitrine. Les percepteurs des impôts sont appelés à s'acquitter de leurs tâches au cours de l'année 2025. Appel du chef de l'État qui met en garde ses agents de l'OBR qu'ils seront obligés de payer les impôts qu'ils n'auront pas collectés. Le chef de l'État l'a annoncé dans son discours à la nation. À la veille du nouvel an 2025, il a également précisé que les responsables des banques devront expliquer l'utilité des frais qui seront décaissés par les institutions financières de leur ressort. Le chef de l'État a été traduit en français par Jean-Marie Mayonga. Le nouvel an 2025 arrive avec beaucoup de changements dans la gestion des biens de l'État. Ceux qui ne savaient pas que la mauvaise gestion des biens de l'État est punie par la loi, qu'ils le sachent à partir de maintenant, car ceux qui se croyaient plus forts en utilisant la richesse du pays comme ils veulent, ils seront poursuivis. Désormais, les impôts et taxes perçus devraient entrer dans la caisse de l'État. Celui qui ne va pas respecter l'ordre, il sera puni par la loi. Certains le faisaient disant qu'ils sont soutenus par les plus forts. Toute personne qui sera attrapée et celui qui le protégeait, tous seront punis par la loi. Les percepteurs des impôts, je vous mets en garde. Il faut savoir que dès aujourd'hui, vous allez travailler durement, corps et âme. Si possible, modifier les lois qui vous régissent de façon que vous serez payé selon ce que vous avez produit. Si vous entrez peu, le salaire deviendra minime et vice-versa. Dans la bonne gestion de la richesse du pays, il faut savoir que l'argent décaissé dans les banques devrait être bien justifié pour montrer où il va pour le bien de tout citoyen. Ce qui le faisait en cachette, qu'il sache que cette année, ce sera une autre situation. On va utiliser tous nos moyens pour que ceux qui ont ce comportement cessent et ceux qui seront arrêtés seront punis par la loi. Également, ceux qui ont permis le décaissement de cet argent sans explication claire, qu'ils remettent cet argent dans la caisse de l'État et aussi ils seront poursuivis et punis. Je vous le disais tantôt, dans la capitale politique Guitéga, la nuit du nouvel an 2025 a été caractérisée par les veillées de prières dans certaines églises. La pénurie des produits Braroudi et le manque de carburant ont caractérisé cette journée. La population déplore en outre le fait que les prix des produits Braroudi ont été revus à la hausse dans quelques peu de bistrots qui en avaient. Un ajout de 1500 francs par bouteille ayant été remarqué. Elle souhaite que l'année 2025 soit une année d'abondance des produits Braroudi et du carburant, mais aussi de la baisse sensible des prix de différentes marchandises. Les détails avec Gérard Nibikisa. Des veillées de prières ont été organisées dans certaines églises de la capitale politique Gitega pour remercier le bon Dieu du fait que l'année 2024 s'est terminée et l'année 2025 commence, comme le précisent les fidèles de ces églises. Et là, on citerait les églises comme l'église évangélique des Amis de Kwibuka, l'église du bon pasteur du quartier Chatanya, l'église vivante du quartier Nyabiharage et d'autres qui ont du moins organisé ces prières nocturnes. Néanmoins, certains habitants de Gitega se plaignent suite à la pénurie précaire des produits Braoudi qui dure déjà plusieurs jours et dans peu de bistrots où ils ont été observés dans la nuit du nouvel an 2025. Les prix étaient revus à la hausse comme au Mystique Night Club de Nyabiharage où un ajout de 1500 frambo par bouteille a été pratiqué et au bar Kavana du quartier Magarama. Le prix était normal mais le droit d'entrée a été fixé à 5000 frambo par personne sous prétexte de la présence du piano bar, c'est-à-dire des chanteurs qui imitent les chansons composées par d'autres artistes sous le rythme du piano joué par un pianiste. En dehors de cela, la population de Gitega déplore la pénurie du carburant qui persiste à tel point qu'aujourd'hui, au marché noir, une bouteille en plastique d'un litre et demi pleine d'essence coûte entre 22 et 25 000 frambo. Ainsi donc, les habitants de Gitega souhaitent que le nouvel an 2025 soit caractérisé par l'abondance des produits Braoudi et du carburant, mais aussi par la baisse sensible du prix des différentes marchandises, dont les denrées alimentaires. Depuis Gitega, Jérani Bigira pour la radio Isanganiro. Merci à Jérani Bigira pour tous ces détails. Cap sur Bobanza, où plus de 30 débits de boissons sont déjà fermés dans différentes communes de cette province suite à la hausse des prix. Les commerçants qui restent respectent actuellement les prix tels que fixés par l'État et les consommateurs en sont contents et demandent aux administratifs de rester vigilants pendant ces jours de fête et de nouvel an. Les détails avec Space Caritas Kamanyana. Amusteri yoyo yahora kuri ibihumbi bitandatu indwi bivanye ningene ubudandaza yabyiyumviriye uyibeye kuri ibihumbi bitatu na tanu. Eh, turashima. C'est un consommateur qui est content de la baisse des prix des produits de la Braoudi qui était devenu exorbitant ces derniers jours dans certaines localités. En commune Gihanga, par exemple, l'administrateur précise que des mesures ont été prises après des séances de sensibilisation sur le respect des prix des produits de la Braoudi. Nous avons arrêté des mesures visant à lutter contre la hausse des prix et de ces produits Braoudi. Des sensibilisations ont été faites jusqu'au niveau collinaire pour pointer du doigt toute personne qui va s'arroger le droit de hausser les prix sur ces produits Braoudi. Pas mal de bars ont été fermés, plus d'une trentaine. Les prix sont respectés. Répondre à Issaba tranquillise également les consommateurs qui croient que les prix risquent encore de grimper pendant les jours de fête qui clôturent l'année. Et nous sommes toujours vigilants. Il y a l'administration est là. Pendant même ces jours de fête, nous allons toujours combattre ces gens-là qui sont retentés de rehausser les prix et que personne vraiment ne se trompe parce que nous sommes là pour aider vraiment la population afin que la loi soit respectée. En commune Manda, surtout au centre de Moussegni, plus de 10 débits de boissons ont été fermés la semaine passée, le jour de Noël, et un commerçant qui payait une amende administrative et qui acceptait de revenir sur le prix normal fixé par l'État recevait l'autorisation de continuer le travail. En commune Moussigati, c'est 3 débits de boissons qui ont été fermés selon l'administrateur de cette commune. Et en commune Boumanza, l'administrateur a recommandé aux commerçants de faire un engagement et accepter que celui qui va rehausser le prix va voir son bistrot fermé pour de bon selon Olive Niyonguru, administrateur de la commune Boumanza. Les consommateurs contactés sont contents et certains précisent qu'ils ne connaissaient même pas le prix réel de certains produits comme la moustère qui était à 6 000 jusqu'à 7 000 francs, la bouteille dans certaines localités et qui est revenue à 3 500 francs. Le prix mousse qui était à 3 500 francs, 4 000 jusqu'à 5 000 francs et qui coûte actuellement 2 500 francs. Spes Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci à Spes Caritas Kabanyana, des citadins de la mairie de Bujumbura souhaitent que les problèmes observés en 2024 trouvent une solution durable pour son nouvel an de 2025. La plupart ont insisté sur le manque du carburant suivi par la hausse de différents produits de première nécessité et la carence des produits de Braroudi. Ils demandent au gouvernement de fournir plus d'efforts pour normaliser la situation pour ce nouvel an. Suivez. Comme des Burundais, nous souhaitons que pour ce nouvel an de 2025, le carburant puisse être disponible à une quantité suffisante pour faciliter le transport de Bujumbura vers l'intérieur du pays et vice-versa. La deuxième chose que je demande, c'est de produire et disponibiliser en quantité suffisante les produits Braroudi. On nous dit souvent que ces produits sont disponibles, mais c'est pas vrai. Que ce soit à l'intérieur du pays ou à Bujumbura. Ce sont des questions que le gouvernement devrait résoudre dans l'immédiat, surtout pour cette année de 2025. Autre chose, il faut que les prix des produits de première nécessité, comme le riz et le haricot, soient revus à la baisse. Il faut que la situation change pour l'année 2025. Des fois, on annonce que les prix de ces produits ont baissé, mais sur terrain, on constate le contraire. Pour cette année de 2025, je souhaite que les prix des denrées alimentaires soient normalisés. À part cette hausse, il y a carence ou manque de différents produits, notamment le carburant. Il faut que cela change pour cette année. Mon plus grand souhait est que le carburant puisse être disponible en quantité suffisante pour faciliter notre travail. Sinon, nous sommes contraints de chercher du carburant jusqu'en RDC. Je suis convaincu qu'une fois qu'il n'y aura plus ce problème de carburant, tous les problèmes liés à ça seront résolus. Le prix d'un kilogramme de riz est à 5 000, riz de dernière qualité. Nous demandons au gouvernement de voir comment stabiliser les prix. Sinon, ce n'est pas du tout facile. On arrive au marché et on manque quoi acheter suite à cette hausse des prix. Que le gouvernement puisse changer cette situation pour ce nouvel an. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Restons dans la mairie de Bujumbura où des habitants vivant sur la colline Mugoboka 2 sont confrontés à un problème de manque d'eau potable. Ceux qui se sont entretenus avec la radio-télévision Isanganiro ce mardi expliquent qu'ils utilisent l'eau de la rivière Nahangwa pour boire, même dans la cuisson. Godefoy Baralunyerete, le chef de cette sous-colline, confirme cette pénurie d'eau et appelle à la Régie des eaux à leur fournir de l'eau potable. Il explique qu'un seul robinet est disponible dans cette zone et est partagé par environ 3000 habitants de la sous-colline et que ce robinet ne fonctionne pas à la normale. Les états avec les Digaïmbat. Arrivé au quartier Mugoboka 2, on constate un mouvement de va-et-vient, des femmes, des filles et des enfants cherchant de l'eau. Et cette femme que nous avons rencontrée sur cette colline explique qu'elle utilise l'eau de la rivière Nahangwa pour laver ses vêtements ou préparer le repas. Elle ajoute qu'il peut arriver des moments où elle boit cette eau sans la faire bouillir, faute de charbon pour la cuisson. Notre femme rencontrée au quartier Mugoboka 2 témoigne qu'elle préfère monter jusqu'à une source située sur la colline Kinouke en haut des montagnes pour trouver d'eau potable. Cependant, lorsqu'elle n'en trouve pas, elle finit aussi par utiliser l'eau de la rivière Nahangwa. Godefroy Baralunyerete, le chef de quartier Mugoboka 2, confirme cette pénurie d'eau. L'indique que sur trois robinets ne fonctionnent pas normalement. Il interpelle la Régie des eaux à leur fournir de l'eau potable en soulignant que des habitants risquent d'être contaminés par des maladies liées au manque d'hygiène. Lorsque nous arrivons au quartier Mugoboka 2, en regardant dans la rivière Nahangwa, des femmes étaient en train de laver les vêtements de leurs enfants, tandis que juste à côté d'elles, des enfants puisaient d'eau. Ridi Gahimbar, dans Mugoboka, rendons-nous à Bururi où les habitants du quartier Rumonyi grognent que la fête de fin d'année arrive au moment où tout le quartier n'a aucune goutte d'eau potable depuis une semaine. Et pour cause, la commune Bururi a fermé les vannes des tuyaux qui alimentent ce quartier en eau potable pour sanctionner la majorité des habitants de ce quartier qui ont refusé le paiement d'une somme forfaitaire de 20 000 francs burundais exigée par la commune Bururi sans facture. Les habitants de Rumonyi demandent une réunion pour trouver une solution à ce problème avant qu'il n'attrape pas de maladies de mains sales. Félix Ningabo, l'administrateur de la commune Bururi, dit que la seule activité qu'il compte effectuer très prochainement est l'ouverture des vannes de ceux qui ont déjà payé ces 20 000 francs burundais. Une information que nous devons à notre confrère Zeno Nzambimana. Ceux qui grognent qu'ils sont en train de célébrer les fêtes de fin d'année sans eau potable sont les habitants du quartier Rumonyi au chef-lieu de la province de Bururi. Ils grognent que la commune de Bururi a fermé depuis plus d'une semaine les vannes de l'adduction d'eau potable de ce Kabuye Rumonyi qui alimentait ce quartier. Et pour cause, la commune de Bururi les accuse d'avoir refusé de payer une somme forfaitaire de 20 000 francs burundais de l'eau qu'ils ont consommée depuis 2021. C'est au moment où en août de cette année, la même commune avait exigé à ses habitants de Rumonyi une somme variante entre 50 000 et 75 000 francs burundais par ménage, une somme également forfaitaire qui a été finalement revue à la baisse aujourd'hui par cette même commune jusqu'à 20 000 francs burundais après avoir constaté qu'ils ont refusé de la payer. Ces habitants de Rumonyi expliquent qu'ils ne peuvent pas payer cette somme forfaitaire car tous les travaux de réhabilitation et de réparation des tuyaux de cette adduction d'eau potable est à leur charge depuis 2022 après que le ministère de l'Intérieur et suspendu le paiement d'eau géré par la régie communale de l'eau. Ils disent que la seule voie de sortie de ce problème d'eau potable à Rumonyi, y compris celui lié au compteur payé mais non remis au propriétaire, est une réunion qui devrait être organisée par l'administrateur de cette commune. Les habitants de ce quartier demandent au gouverneur de la province de Bururi de traiter cette question avant que la population de ce quartier n'attrape pas de maladies des mains sales, surtout qu'en cas d'un élève du lycée communal de Bururi qui se trouvait dans ce quartier présentant des symptômes de la variole du singe a été signalé ce mois. C'était au cours des examens du premier trimestre. Félix Nyongabo, l'administrateur de la commune de Bururi, dit qu'une seule activité qu'il compte organiser pour ce quartier est l'ouverture des vannes de ceux qui ont déjà payé cette somme de 20 000 francs burundais et la fermeture des vannes ménage par ménage pour ceux qui ont refusé de la payer. Depuis Bururi, Zeno Nzambimana pour la radio Isanganiro. Parle, rassure-moi. Les vérités plurielles proviennent de différents groupes de personnes ayant connu des situations fâcheuses dans le passé, mais qui malheureusement n'acceptent pas que les autres ont connu de tels problèmes. Avis d'un expert en résolution pacifique des conflits qu'il partage avec la population de la commune Butaganzwa en province Ruigi, le manque de reconnaissance de ce qui est arrivé à l'autre pousse les gens à vivre dans la souffrance, ce qui conduit souvent à des cycle de violence. Les détails avec Francine Dokoukashi. Nous sommes sur la colline Nyaburondwe. Ses habitants indiquent que sur base du passé qu'a connu le pays, les gens de différentes ethnies ne comprennent pas de la même manière les événements qui ont marqué leur histoire. Souvent, en période de guerre, les gens vivent un climat de suspicion suite aux tueries qui ont eu lieu dans le passé entre les Hutus et les Tutsis. Dans ce cas, le fait de craindre l'autre entraîne encore de nouveaux conflits entre ces gens. Les cicatrices d'une plaie ne disparaissent pas facilement. Lorsqu'il y a un malentendu entre deux individus, l'un se rappelle de ce que l'autre lui a fait et le mécontentement renaît. Dans ce cas, ils n'ont pas de paix en eux et ils se retrouvent encore en conflit. Si chaque groupe ethnique continue à nier la vérité de l'autre, cela affecte la société et conduit souvent à des divisions. Selon Chartier Nyungeko, expert en résolution pacifique des conflits, ces divisions sont provoquées par beaucoup de facteurs, comme la négation sur base des intérêts. Le premier facteur qui explique donc ce manque de reconnaissance de la souffrance de l'autre groupe, c'est la négation qui est motivée par des intérêts cachés. Bien sûr que oui, des conséquences ne peuvent pas manquer. La première conséquence, c'est quoi? Le groupe qui sont sans nier, le groupe pour lequel les gens n'acceptent pas qu'il a souffert, vous comprenez qu'il va continuer à souffrir. Et de là, et vous comprenez que ça va polariser la division entre ces groupes qui ne partagent pas la même vérité. Et après la polarisation, vous comprenez bien qu'il va même y avoir des processus d'endoctrinement où chaque groupe va essayer de développer même un autre style de vie pour montrer à l'autre qu'il doit faire tout pour se protéger parce qu'on se sent menacé. Ce qui va suivre, c'est quoi? Ils vont s'entretuer. Donc, c'est-à-dire que tout peut arriver. Et c'est de là qu'on pourra observer des cycles de violence, des cycles de discrimination, des cycles d'exclusion dans différents domaines de vie dans cette communauté-là. L'un des conseillers de l'administrateur de Butaganzwa, Théogène Bangura, souligne l'importance de tenir des réunions à l'endroit de la population pour calmer les tensions qui peuvent surgir. Nous essayons de calmer les esprits entre les individus en conflit. Avec le nouveau découpage administratif, nous aurons besoin des psychologues pour aider les personnes vivant avec le traumatisme ou les blessures du passé. Nous espérons que ces problèmes seront guéris progressivement. L'expert Chartier Nyungeko encourage la recherche de la vérité par rapport à ce qui s'est passé et la tolérance pour arriver à bâtir un Burundi meilleur en évitant de sombrer encore une fois dans des crises. Voilà, c'est par ici que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Anselme Irambona pour sa parfaite collaboration technique à la présentation de ce journal. Vous étiez avec Evariste Ndikubananga. Bon début de l'année 2025.